Chapitre 25 de Le crime d'Orcival par Émile Gaborio. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Chapitre 25. Avez-vous besoin d'argent? Voulez-vous un habillement complet à la dernière mode? Une calèche à 8 ressorts ou une paire de bottines? Vous faudrait-il un cachemire de l'Inde? Un service de porcelaine? Ou un bon tableau pas cher? Est-ce un mobilier que vous souhaitez? De noyer ou de palissandre? Ou des diamants, ou des draps, ou des dentelles? Ou une maison de campagne? Ou votre provision de bois pour l'hiver? Adressez-vous à Madame Charman, 136 rue Notre-Dame de Lorette, au premier au-dessus de l'entresol, car elle tient tout cela, et même d'autres articles encore qu'il est défendu de considérer comme marchandises. Si, homme, vous avez quelques garanties à lui présenter, ne fût-ce qu'un traitement saisissable, si, femme, vous êtes jeune, jolie et point farouche, Madame Charman se fera un plaisir de vous obliger à raison de 200% d'intérêt. À ce taux, elle a beaucoup de pratique et n'a pourtant pas encore fait fortune. C'est qu'elle est forcément très aventureuse, qu'il y a d'énormes pertes s'il y a de prodigieux profits, et que souvent, ce qui est venu par la flûte s'en va par le tambour. Puis, ainsi qu'elle se plaît à le dire, elle est trop honnête. Et c'est vrai au moins qu'elle est honnête. Elle vendrait sa dernière chemise brodée plutôt que de laisser protester sa signature. Personne d'ailleurs, moins que Madame Charman, ne ressemble à cette horrible grosse femme à voix rauque, à gestes cyniques, chargée de bagues et de chaînes d'or, qui est le type de la marchande à la toilette. Elle est blonde, mince, douce, ne manque pas d'une certaine distinction, et porte invariablement, été comme hiver, une robe de soie noire. Elle possède un mari, assure-t-on, mais personne jamais ne l'a vue, ce qui n'empêche pas que sa conduite est, au dire de son portier, au-dessus du soupçon. Si honorable cependant que soit la profession de Madame Charman, elle a eu plus d'une fois affaire à Monsieur Lecoq. Elle a besoin de lui et le craint comme le feu. Aussi accueillit-elle l'agent de la sûreté et son compagnon, qu'elle prit pour un collègue bien entendu, un peu comme un surnuméraire accueillerait son directeur venant le visiter. Elle les attendait. À leur coup de sonnette, elle a couru au-devant d'eux, jusque dans son antichambre, gracieuse, respectueuse, le sourire aux lèvres. Elle disputa à sa bonne l'honneur de les faire passer dans son salon. Elle leur avança les meilleurs fauteuils et même leur offrit quelques rafraîchissements, la moindre des choses. « Je vois, chère madame, commença monsieur Lecoq, que vous avez reçu mon petit mot. »« Oui, monsieur, ce matin, de très bonne heure, j'étais même encore au lit. »« Très bien. Et avez-vous été assez complaisante pour vous inquiéter de ma commission ?»« Ciel, monsieur Lecoq, pouvez-vous bien me demander cela, quand vous savez que j'aimerais à passer dans le feu pour vous ?» Je m'en suis occupé à l'instant même. Je me suis levé tout exprès. Alors, vous avez découvert l'adresse de Pélagie Taponnet, dite Jenny Fancy? Madame Charman crut devoir dessiner la plus gracieuse de ses révérences. Oui, monsieur, oui, répondit-elle. Soyez satisfait. Si j'étais femme à me faire valoir hors de propos, je pourrais vous dire que j'ai eu un mal infini à me procurer cette adresse, que j'ai couru tout Paris, que j'ai dépensé 10 francs de voiture, je mentirais. Au fait, insista Monsieur Lecoq. La vérité est que j'ai eu le plaisir de voir Miss Jenny Fancy avant-hier. Vous plaisantez? Pas le moins du monde. Et même à ce propos, laissez-moi vous dire que c'est une bien brave et bien honnête personne. Vraiment? C'est comme cela. Imaginez-vous qu'elle me devait 480 francs depuis plus de 2 ans. Naturellement, comme bien vous pensez, j'avais mis un P sur cette créance et je n'y songeais plus guère. Mais voilà qu'avant-hier, la Fancy m'arrive toute pimpante qui me dit « J'ai fait un héritage, Madame Charman, j'ai de l'argent, et je vous en apporte. » Et elle ne plaisantait pas. Elle avait plein son porte-monnaie de billets de banque, et j'ai été payé intégralement. Et comme l'agent de la sûreté se taisait, elle ajouta avec une conviction profonde et attendrie « Bonne fille, va, digne créature !» À cette déclaration de la marchande, Monsieur Lecoq et le père Plantat avaient échangé un coup d'œil. La même idée leur venait à tous deux en même temps. Cet héritage annoncé par Miss Fancy, tous ces billets de banque, ne pouvaient être que le prix d'un grand service rendu par elle à Trémorel. Cependant, l'agent de la sûreté voulut avoir des renseignements plus positifs. « Dans quelle position était cette fille avant cette succession » demanda-t-il. « Ah, monsieur, dans une position affreuse, allez. Depuis que son comte l'a quittée et qu'elle a mangé son Saint-Frusquin dans les modes, elle a été toujours en dégringolant. » Une personne que j'ai vue si comme il faut autrefois. Après cela, vous savez, quand une femme a des peines de cœur, tout ce qu'elle possédait, elle l'a mis au clou, ou vendu, loc à loc. Dans ces derniers temps, elle fréquentait la plus mauvaise société. Elle buvait de l'absinthe, m'a-t-on dit. Et même, elle n'avait plus rien à se mettre sur le dos. Quand elle recevait de l'argent de son compte, car il lui en envoyait encore, elle le dépensait en partie avec des femmes de rien du tout, au lieu de s'acheter de la toilette. Et où demeure-t-elle? Tout près d'ici, dans une maison meublée de la rue Vintimille. Cela étant, fit sévèrement M. Lecoq, je m'étonne qu'elle ne soit pas ici. Ce n'est pas ma faute, allez, cher monsieur. Si je sais où est le nid, j'ignore où est l'oiseau. Elle était dénichée ce matin, lorsque ma première demoiselle est allée chez elle. Diable, mais alors, c'est fort contrariant. Il faudra me la faire chercher bien vite. Soyez sans inquiétude. Fancy doit rentrer avant 4 heures, et ma première l'attend chez son concierge, avec ordre de me l'amener dès qu'elle rentrera, sans même la laisser monter à sa chambre. Attendons-la donc. Il y avait un quart d'heure environ que M. Lecoq et le père Plantin attendaient, lorsque tout à coup Mme Charman, qui a l'oreille très fine, se dressa. « Je reconnais, dit-elle, le pas de ma première demoiselle dans l'escalier. « Écoutez, dit M. Lecoq, puisqu'il en est ainsi, arrangez-vous de façon à ce que Fancy croit que c'est vous qui l'avez envoyé chercher. Mon ami et moi aurons l'air de nous trouver ici par le plus grand des hasards. » Mme Charman répondit par un geste d'assentiment. « Compris, fit-elle. » Déjà, elle faisait un pas vers la porte. L'agent de la sûreté la retint par le bras. « Encore un mot, ajouta-t-il. Dès que vous verrez la conversation engagée entre cette fille et moi, ayez donc l'obligeance d'aller surveiller aux ouvrières de votre atelier. Ce que j'ai à dire ne vous intéressant pas du tout. C'est entendu, monsieur. Mais vous savez, pas de tricherie. Je connais, pour l'avoir utilisé, le petit cabinet de votre chambre à coucher, d'où on ne perd pas un traître mot de ce qui se dit ici. » La première demoiselle ouvrit la porte du salon. Il y eut un grand froufrou de robe de soie, glissant le long de l'huisserie, et Miss Jenny Fancy parut dans sa gloire. Hélas, ce n'était plus cette fraîche et jolie Fancy qui avait aimé Hector, cette provocante parisienne aux grands yeux, tour à tour langoureux ou enflammés, aux fins minois, à la mine éveillée. Une seule année l'avait flétrie, comme un été trop chaud fane les roses, et avait sans retour détruit sa fragile beauté, beauté de Paris, beauté du diable. Elle n'avait pas 20 ans, et il fallait l'œil d'un connaisseur pour reconnaître qu'elle avait été charmante autrefois quand elle était jeune, car elle était vieille comme le vice. Ses traits fatigués et ses joues flasques disaient les désordres de sa vie. Ses yeux, cerclés de bistre, avaient perdu leurs grands cils et déjà rougissaient et clignotaient. Sa bouche avait une lamentable expression d'hébétude. Et l'absinthe et les refrains obscènes avaient brisé les notes si claires de sa voix. Elle était en grande toilette, avec une robe neuve, éclatante et tachée, une immense cloche de dentelle et un chapeau invraisemblable. Pourtant, elle avait l'air misérable. Enfin, elle était outrageusement maquillée, toute barbouillée de rouge, de blanc et de bleu, de carmin et de crème de perles. Elle paraissait fort en colère. « Voilà une idée !» s'écria-t-elle dès le seuil, sans songer à saluer personne. « Cela a-t-il le sens commun de m'envoyer chercher ainsi, presque de force, par une demoiselle qui est de la dernière insolence ?» Mais Mme Charman s'était élancée vers son ancienne cliente, l'avait embrassée, bon gré mal gré, et la pressait sous son cœur. « Comment, chère petite, disait-elle, vous vous fâchez, lorsque je comptais que vous alliez être ravie et me remercier bien gentiment. Moi, pourquoi ? Parce que, belle mignonne, j'ai voulu vous réserver une bonne surprise. Ah, je ne suis pas ingrate, moi. Vous êtes venue hier régler votre petit compte, je veux aujourd'hui même vous en récompenser. Allons vite, souriez, vous allez profiter d'une occasion magnifique. J'ai en ce moment du velours en grande largeur. C'était bien la peine de me déranger. Tout soit, ma chère, à 30 francs le mètre, hein ? Est-ce assez inouï, assez invraisemblable, assez ? Eh, je me soucie bien de votre occasion. Du velours au mois de juillet ? Vous moquez-vous de moi ? Laissez-moi vous le montrer. Jamais ! On m'attend pour aller dîner à Asnières, ainsi ? » Elle allait se retirer, en dépit des efforts très sincères de Mme Charman, qui se proposait peut-être de faire d'une pierre deux coups. Monsieur Lecoq jugea qu'il était temps d'intervenir. « Mais je ne me trompe pas !» s'écria-t-il avec des mines de vieux roquentin et moustillé. « C'est bien Miss Jenny Fancy que j'ai le bonheur de revoir !» Elle le toisa d'un air moitié fâché, moitié surpris, en disant « Oui, c'est moi, après !»« Quoi, vous êtes oublieuse à ce point ? Vous ne me reconnaissez pas ?»« Non, pas du tout !»« J'étais cependant un de vos admirateurs, ma belle enfant, et j'ai eu le plaisir de déjeuner chez vous, quand vous demeuriez près de la Madeleine. » « C'était du temps du comte. » Il retira ses lunettes, comme pour en essuyer les verres. Mais en réalité, pour lancer un regard furibond à Mme Charman, qui, n'osant résister, bâti discrètement en retraite. « J'étais assez bien maître Morel autrefois, » reprit Monsieur Lecoq. « Et à ce propos, y a-t-il longtemps que vous n'avez eu de ces nouvelles ?»« Je l'ai vu il y a 8 jours. »« Tiens, tiens, tiens ! Alors, vous connaissez son horrible affaire ?»« Non, qu'y a-t-il donc ?»« Vrai, vous ne savez pas ? Vous ne lisez donc pas les journaux ?»« Mais c'est une abominable histoire, ma chère enfant, et on ne parle que de cela dans Paris depuis 48 heures. Dites vite ! Vous savez qu'après son plongeon, il a épousé la veuve d'un de ses amis. » On le croyait fort heureux en ménage. Pas du tout. Il a assassiné sa femme à coups de couteau. Miss Fancy pâlit sous sa couche épaisse de peinture. « Est-ce possible ? » balbutia-t-elle. Elle disait « Est-ce possible ?» Mais si elle était très émue, à coup sûr, elle n'était pas extrêmement surprise. Monsieur Lecoq le remarqua fort bien. « C'est si possible, répondit-il, qu'à 7 heures il est en prison, qu'il passera en cour d'assises et que très certainement il sera condamné. » Le père Plantat observait curieusement Jenny. Il s'attendait à une explosion de désespoir, à des cris, à des pleurs, à une légère attaque de nerfs, pour le moins. Erreur. Fancy en était venue à détester Trémorel. Parfois, elle, si impatiente de mépris jadis, elle sentait le poids de ses hontes, et c'est Hector que, bien injustement, elle accusait de son ignominie présente. Elle le haïssait bassement, comme haïssent les filles, lui souriant quand elle le voyait, tirant de lui le plus d'argent possible et lui souhaitant toutes sortes de malheurs. Loin de fondre en larmes, Jenny Fancy eut un éclat de rire stupide. « C'est bien fait pour Trémorel, » dit-elle. « Pourquoi m'a-t-il quitté ? C'est bien fait pour elle aussi. »« Comment pour elle aussi ? Bien sûr. Pourquoi trompait-elle son mari, un charmant garçon ? C'est elle qui m'a enlevé Hector, une femme mariée et riche. Hector n'est qu'un misérable, je l'ai toujours dit. » Franchement, c'était aussi mon avis. Quand un homme, voyez-vous, se conduit comme Trémorel s'est conduit avec vous, il est jugé. N'est-ce pas ? Parbleu ! Aussi ne suis-je pas surpris de sa conduite, car, sachez-le, avoir assassiné sa femme est le moindre de ses crimes. Ne voilà-t-il pas qu'il essaye de rejeter son meurtre sur un autre ? Cela ne m'étonne pas. Il accuse un pauvre diable, innocent, dit-on, comme vous et moi, et qui, cependant, sera peut-être condamné à mort, faute de pouvoir dire où il a passé la soirée et la nuit de mercredi à jeudi. Monsieur Lecoq avait prononcé cette phrase d'un ton léger, mais avec une lenteur calculée, afin de bien juger de l'impression qu'elle produirait sur Fancy. L'effet fut si terrible qu'elle chancela. « Savez-vous quel est cet homme ? » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Les journaux disent que c'est un pauvre garçon qui était jardinier chez lui. Un petit, n'est-ce pas ? Maigre, très brun, avec des cheveux noirs et plats. Précisément. Et qui s'appelle ? Attendez donc, qui s'appelle Despin ? Ah ça, vous le connaissez donc ?» Miss Fancy hésitait. Elle était fort tremblante. On voyait qu'elle regrettait de s'être tant avancée. « Bah, » fit-elle enfin, « je ne vois pas pourquoi je ne dirais pas ce que je sais. Je suis une honnête fille, moi, si Trémorel est un coquin, et je ne veux pas qu'on coupe le cou d'un pauvre diable qui est innocent. Vous savez donc quelque chose ? Dites donc que je sais tout, et c'est bien simple, allez. Il y a de cela 8 jours, mon Hector, qui soi-disant ne voulait plus me revoir, m'écrit pour me donner un rendez-vous à Melun. J'y vais, je le trouve, et nous déjeunons ensemble. Alors voilà qu'il me raconte qu'il est bien ennuyé, que sa cuisinière se marie, mais qu'un de ses domestiques est si amoureux d'elle qu'il est capable d'aller faire du scandale à la noce, de troubler le bal et même de tenter un mauvais coup. Ah, il vous a parlé de la noce ? Attendez donc, mon Hector semblait très embarrassé, ne sachant comment éviter le bruit qu'il prévoyait. C'est alors que je lui conseillais d'éloigner ce domestique pour ce jour-là. Il réfléchit un moment et me dit que j'avais une bonne idée. « J'ai trouvé un moyen, » ajouta-t-il. « Le soir de la noce, je ne préviendrai ce drôle de rien, mais je le chargerai d'une commission pour toi, en lui laissant supposer qu'il s'agit d'une affaire que je veux cacher à ma femme. Toi, tu te déguiseras en femme de chambre et tu iras l'attendre dans un café de la place du Châtelet, entre 9h30 et 10h30 du soir. Pour qu'il te reconnaisse, tu te placeras à la table la plus proche de l'entrée, à droite, et tu auras à côté de toi un gros bouquet. Il te remettra un paquet. » Et alors, tu l'inviteras à prendre quelque chose, tu le griseras s'il se peut, et tu le promèneras à travers Paris jusqu'au lendemain. » Miss Fancy s'exprimait difficilement, hésitant, triant ses mots, cherchant, on le voyait, à se rappeler les termes mêmes de Trémorel. « Et vous, interrompit Monsieur Lecoq, vous, une femme spirituelle, vous avez cru à cette histoire de domestique jaloux ? Pas précisément, mais je m'imaginais qu'il y avait quelques maîtresses sous jeu, et je n'étais pas fâché de l'aider à tromper la femme que je déteste. Et qui m'a fait du tort. Ainsi, vous avez obéi, de point en point, et tout est arrivé comme Hector l'avait prévu. À 10 heures précises, mon domestique arrive, il me prend pour une bonne et me remet le paquet. Naturellement, je lui offre un boc, il accepte et m'en propose un autre, que j'accepte également. Il est très comme il faut, ce jardinier, aimable et poli. Je vous assure que j'ai passé une excellente soirée avec lui. Il sait un tas d'histoires, toutes plus drôles les unes que les autres. Passons, passons, qu'avez-vous fait ensuite? Après la bière, nous avons bu des petits verres. Il avait ses poches pleines d'argent, ce jardinier. Et après les petits verres, encore de la bière, puis du punch, puis du vin chaud. À 11 heures, il était déjà très gris et parlait de me mener au Batignolles danser un quadrille. Moi, je refuse et je lui dis qu'étant galant, il ne peut se dispenser de venir me reconduire chez ma maîtresse, qui demeure au haut des Champs-Élysées. Nous voilà donc sortis du café et allant de marchand de vin en marchand de vin tout le long de la rue de Rivoli. Bref, sur les 2 heures du matin, ce pauvre diable était tellement ivre qu'il est tombé comme une masse sur un banc près de l'Arc de Triomphe, qui s'y a endormi et que je lui ai laissé. Et vous, qu'êtes-vous devenu? Moi, je suis rentré chez moi. Qu'est devenu le paquet? Ma foi, je devais le jeter à la Seine, mais je l'ai oublié. Vous comprenez, j'avais bu presque autant que le jardinier, surtout au commencement. Si bien que je l'ai rapporté chez moi, où il est encore. Et vous l'avez ouvert? Comme bien vous pensez, que contient-il? Un marteau, 2 autres outils et encore un grand couteau. L'innocence de Gaspin était désormais évidente. Toutes les prévisions de l'agent de la sûreté se réalisaient. « Allons, fit le père Plantat. Voilà notre client tiré d'affaire. Reste à savoir. » Mais Monsieur Lecoq l'interrompit. Il savait désormais tout ce qu'il désirait. Jenny n'avait plus rien à lui apprendre. Il changea de ton subitement, quittant la voix de miel du galantin pour la voix sèche et brutale de l'homme de la préfecture. « Ma belle enfant, dit-il à Miss Fancy, vous venez en effet de sauver un innocent. Mais ce que vous venez de me conter, il faut aller le répéter au juge d'instruction de Corbeil. Seulement, quand vous pourriez vous égarer en route, je vais vous donner un guide. » Il alla à la fenêtre, l'ouvrit, et, apercevant sur le trottoir en face l'agent de M. Domini, se souciant peu de compromettre Mme Charman, il cria à pleine voix « Goulard, hé, Goulard, monte un peu ici !» Revenant alors à Miss Fancy, si troublée, si épouvantée, qu'elle n'osait ni questionner, ni se mettre en colère, « Dites-moi, lui demanda-t-il, combien Trémorel vous a payé le service que vous lui avez rendu ?»« 10 000 francs, monsieur, mais ils sont bien à moi, je vous jure. Il me les promettait depuis longtemps, pour me remettre à flot. Il me les devait. C'est bon, on ne vous les enlèvera pas. » Et lui montrant Goulard qui entrait, « Vous allez, lui dit-il, conduire ce monsieur chez vous en sortant d'ici. Vous prendrez le paquet que vous a remis Gaspin et vous partirez de suite pour Corbeil. Surtout, ajouta-t-il d'une voix terrible, pas d'enfantillage, ou gare à moi. » Au bruit qui se faisait dans le salon, Madame Charman arriva juste à temps pour voir sortir Fancy, escortée de Goulard. « Qu'y a-t-il, grand Dieu ?» demanda-t-elle tout éplorée à Monsieur Lecoq. « Rien, chère dame, rien qui vous regarde du moins. Et sur ce, au revoir et merci. Nous sommes fort pressés. » Fin du chapitre 25.